فيما يتعلق بما قال لي وسمعت فيما يتعلق باليمن، وهل يسلم الحكم للأخوان المسلمين أو للحوثيين أو للاشتراكيين؟ لا شك أن أهل اليمن بحول الله لن يسلموا حكمهم للاشتراكيين ولا للحوثيين 12 ولا للأخوان المسلمين، فإن هؤلاء الذين أشار إليهم لا أرى أنهم أهل لأن تكون لهم الولاية في البلد الإسلامي، لأنهم لا يهتمون بالعقيدة. لا أرى أنهم أهل لأن تكون لهم الولاية في البلد الإسلامي، لأنهم لا يهتمون بالعقيدة، ولا يرون مانعا من المؤاخاة بين الرافض الذي يسب أبا بكر الصديق ويكفره، ويكفر عثمان، ويكفر سائر الصحابة، لأنهم يرونهم إخوان. والحقيقة أن كل من يحرف القرآن ويتهم عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله يعارض القرآن في هذا القول، فلا يصح أن يقال إن هذا أخ وآخا والمسيرة واحدة، وإنما نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يعجل هذه الفتن بالقضاء عليها، وأن يريح أهل تلك البلاد من القائمين على تلك الفتن، نسأل الله جل وعلا أن يعجل هذه الفتن بالقضاء عليها، وأن يريح أهل تلك البلاد من القائمين على تلك الفتن. Voici l'avis de l'éminent Cheikh Saleh bin Mohamed al-Haydan hafidhahullah quant à la question de passer le pouvoir au groupe des frères musulmans. Le Cheikh traitait d'une question relative au Yémen lors des troubles qui secouèrent quelques pays arabes. Il disait hafidhahullah: en ce qui concerne le Yémen, et si le pouvoir serait délégué aux frères musulmans, ou bien aux Houthis, ou bien encore aux communistes? La réponse: il ne fait aucun doute que les gens du Yémen, avec l'aide et l'assistance d'Allah, ne vont pas livrer leur commandement aux communistes ni aux Houthis, qui font partie de la secte al-Ithna Ashariya, non plus qu'aux frères musulmans, car ces derniers dont il s'agit ici, je ne vois pas qu'ils soient dignes de commander dans n'importe quel pays islamique, étant donné qu'ils n'accordent pas de l'intérêt à la croyance, à l'aqida. En outre, ils ne voient pas de mal à avoir une forme de fraternité avec les Rawafid, qui insultent Abu Bakr Siddiq et qui le déclarent mécréant, yukaffiruna, qui déclarent Uthman mécréant, ainsi qu'ils déclarent mécréant la plupart des compagnons. Et après tout cela, ils les considèrent comme des frères. En vérité, quiconque falsifie le Coran et accuse Aïcha radiallahu anha, alors même qu'Allah l'avait innocenté, celui qui prend ce genre de position, il contredit le Coran avec cette parole. Il est incorrect de dire celui-ci est un frère et que le chemin est un. Nous implorons Allah pour qu'il guide les égarés parmi les musulmans. Nous l'implorons Jalla wa Ala pour qu'il mette fin vite à ces troubles et qu'il fasse apaiser les gens de ce pays de ceux qui suscitent l'anarchie et la turpitude.